Alors qu'il essaie d'écrire une pièce avec Legrand, au bout de 8 jours, la cohabitation devient infernale et aboutit à un duel au cours duquel Jacques blesse mortellement Legrand. Les années se sont écoulées sur les années, avec la monotonie implacable de la nature. Je n'ai rien à me rappeler et je n'ai rien à oublier, rien, rien. Les années ont paru courtes parce qu'elles étaient creuses et vides, tandis que les journées étaient longues, longues, parce qu'elles avaient chacune leur intrigue de famine et leur tas de petites hontes. J'ai vécu et je vis comme un loup. Mon duel avec Legrand m'a fait d'ailleurs une réputation de dangereux, qui éloigne de moi tout le monde ou à peu près. Il calomnie jusqu'à mon courage. Je passe ma vie à la bibliothèque et je rôde dans 2 ou 3 rues du quartier latin, toujours les mêmes. Si je trouvais de quoi m'habiller et payer mon voyage, je partirais au pays chez l'oncle, le curé, au sommet de Chauderolles. J'ai besoin de rafraîchir ma vie. Il me faudrait 300 francs pour aller au puits. Je vous les avance, m'a dit un garçon, si vous me promettez au retour de passer ma version de Bachot pour moi. Mais c'est un faux. Si je suis pris, c'est la prison. Dites-vous oui, dites-vous non. Je ne dis pas non. Je vous demande jusqu'à demain. J'allais céder, bien sûr, céder pour le grand air et le vin pur, pour le baiser sur le front de ma mère, pour les cousines à embrasser à pleines lèvres. J'aurais joué contre 3 ans de centrale, 15 jours de bonheur, de vagabondage, dans les vergers et dans les bois. La mort est arrivée qui m'a barré le chemin de la prison de Clairvaux.